Chapitre 108. La réprobation de manger en étant accoudé ou adossé. 746. Selon Abu Juhayfa, Wahb ibn Abdillah, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Je ne mange pas en étant accoudé ou adossé. » Al-Bukhari. D'après Al-Khattabi, être accoudé ou adossé signifie ici s'asseoir en s'appuyant sur un support. Selon lui, le prophète alayhi salatu wassalam a voulu dire qu'il ne s'assied pas sur une couverture ou un oreiller comme ceux qui mangent beaucoup, mais au contraire, il s'assied de manière à pouvoir se relever rapidement. Ainsi, il ne s'assied pas confortablement et il mange le strict nécessaire. Telle est l'interprétation d'Al-Khattabi. Selon d'autres savants, cela signifie être accoudé sur le côté. Mais Allah est le plus savant. 747. Anas, radiyallahu anhu, a dit « J'ai vu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, accroupi, en train de manger des dattes. » Muslim.